Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Jackson Pollock et l'expressionnisme abstrait. Son action de peintre était presque ce geste crucial qui le fait exister comme peintre et qui le fait exister comme homme. Hein. Dans l'action, dans le geste, dans la projection du soi sur la toile, c'est là que le peintre se fait. Il n'existe que pour ce moment et après, au fond, d'une certaine façon, il n'est plus rien. Véritable maître de l'action painting et du dripping, Jackson Pollock va devenir la grande figure de ce courant né aux États-Unis qu'on va appeler l'expressionnisme abstrait et qui va permettre enfin aux Américains d'imposer leur marque sur la manière de peindre au 20e siècle. Jackson Pollock, beau et robuste, fils de l'Ouest, venu à New York pour devenir le premier et le plus important représentant de l'expressionnisme abstrait. L'homme troublé aussi, rebelle et alcoolique, mais qui très jeune a connu la gloire et la reconnaissance de ses contemporains. Un artiste Pollock qui n'est pas né avec un talent, hein, c'est pas un génie de prodige, quoi. C'est quelqu'un qui a lutté terriblement pendant la période de sa jeunesse. S'il est mort à 30 ans, personne n'aurait jamais entendu un mot de lui. Il n'a rien produit, mais à un moment donné, à la fin des années 30, début des années 40, il a réinventé son âme et son esprit comme artiste. Le portrait d'un géant, Jackson Pollock, esquissé en moins d'une minute dans ce reportage d'Alexandra Chaska présenté en 1999. C'est le conservateur au Musée d'art contemporain de New York, Kirk Vernado, qu'on entend à la fin de cet extrait. Pour nous présenter la vie et l'œuvre de Jackson Pollock, Véronique Borboin, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Véronique, bonjour. Bonjour, Jacques. On va passer 20 minutes ensemble à parler de l'œuvre, de la vie de Jackson Pollock. Mais tout de suite, un mot, Véronique, pour situer le personnage. Quelle importance il aura? De quelle manière il sera important en peinture au 20e siècle? Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il est né en 1912, la peinture européenne, c'est la peinture. C'est tout. Et l'influence est énorme sur les peintres américains. Pourtant, ils existent. Il y a des écoles américaines, mais ils sont à la remorque des Européens. Et là, tout d'un coup, il va arriver la première personne qui va un peu jeter le livre de Picasso par terre et dit « Moi, je vais faire autre chose. » Picasso, d'ailleurs, il a, Pollock, parlez-moi de ça un instant, il a un drôle de rapport avec lui. Mais si on pense à Picasso, il est quand même né 30 ans avant Jackson et il va vivre plus longtemps que lui aussi. Et au fond, Jackson, on connaît l'anecdote, il avait un des livres de Picasso, puis il regarde, puis là, il en colère, il jette le livre par terre, il dit « ce satané type, il a tout trouvé, il a tout exploré ». Alors on comprend déjà que son idée, c'est d'inventer, de trouver et d'explorer. Ouais. Et c'est ça, cette rage-là, je pense, qui va le dominer puis l'obliger à aller beaucoup plus loin. Ouais. La rage, la pulsion, l'action painting, on va y revenir, mais ça va être très, très présent. C'est un moteur très fort. Son mal-être aussi, quelqu'un, Alexandra Chaska le disait, mais qui est alcoolique. C'est une vie qui ne sera pas simple. C'est une mort qui sera prématurée aussi, celle de Jackson Pollock. Revenons au tout début. Il n'était pas prédestiné. En tout cas, quand on regarde un peu d'où il vient, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Fils d'agriculteur, né au Wyoming, comment vient-il à la peinture? Et puis, il était donc dans l'Ouest américain. Ouais. Mais il avait des frères. Ils étaient 5 et il y en a au moins 3 ou 4, je crois, qui vont faire des études aux Beaux-Arts. C'est incroyable. Donc, il a un frère aîné, Charles, entre autres, qui va beaucoup l'aider, le stimuler, il va le suivre à ses débuts. Et je pense que c'est un moteur, une étincelle vraiment importante. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. 3-4 frères sur 5 qui font leurs Beaux-Arts. Mais ils ne vont pas faire œuvre comme lui. Il y en a un qui va aller dans le graphisme, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais lui, ça va lui donner la piqûre. Ouais. Et puis, c'est aussi quand il va aller à New York, c'est un de ses frères qui va l'accueillir dans son appartement. Donc, il y aura une sorte d'aide. Et lui, il cherche. On dit qu'il n'a rien fait avant l'âge de 30 ans, mais en fait, c'est que c'est pas vrai qu'il n'a rien fait. Il cherche. Ouais. Il travaille aussi. À New York, il va faire du graphisme. Absolument. Et puis, il va étudier aussi avec un professeur important que son frère. père aura déjà eu, qui était un professeur du réalisme américain, ouais. Ce qui est un comble quand même. Et comme il dira, ben oui, il m'a tellement stimulé dans ce réalisme que moi, je suis allée dans l'autre sens complètement. Donc, il étudie avec ce professeur, ce grand maître du réalisme américain. Thomas Hart Benton. Ouais. Et puis, ça va à New York, quoi, dans les années 30, début des années 30, voilà. Pour faire la bohème. Il va être à Greenwich Village avec un de ses frères. Mais c'était l'époque, hein, Greenwich Village, tout le monde était là, tous les artistes se retrouvaient, donc c'était extrêmement stimulant. C'est aussi à New York qu'il pouvait voir des expositions, du fameux Picasso, mais d'autres, donc de peintres abstraits. Pas oublier que la peinture abstraite, elle existe quand même depuis une cinquantaine d'années, donc il n'a pas inventé la peinture abstraite. Mais il faut la rencontrer, et c'est ce qu'il va faire à New York. Il y aura une rencontre qui sera très, très importante à New York, justement, pour Jackson Pollock. Sa rencontre avec Peggy Guggenheim. On écoute à ce sujet Henri Barras. Vous allez voir, c'est un extrait succulent. Henri Barras qui raconte comment Peggy Guggenheim découvre la peinture de Jackson Pollock. Extrait de l'émission L'Aventure en 1991. C'est grâce à Piet Mondrian que l'œuvre de Jackson Pollock, intitulée Stenographic Figure, est acceptée à l'exposition. En face de cette œuvre sauvage, Peggy Guggenheim la trouve horrible. Et Mondrian va répondre « Je n'en suis pas si sûr. » Et après un moment de réflexion, il continue « J'essaye de comprendre ce qui arrive là. Je crois que c'est l'œuvre la plus intéressante que je n'ai jamais vue en Amérique. » Et se tournant vers Peggy Guggenheim, il ajoute « Madame, vous devriez surveiller cet artiste. » Et Peggy Guggenheim, interloquée, ajoute « Mais vous n'êtes pas sérieux, maître. Vous ne pouvez pas comparer cela avec ce que vous faites. » Et Mondrian dira cette phrase, « Mon Dieu, magnifique. Ma manière de peindre, madame, et ma manière de penser sont deux choses différentes. » C'est formidable, cette histoire, Véronique Borboin. Un tout petit mot d'abord sur Peggy Guggenheim. C'est quelqu'un qui emmène l'art, c'est quelqu'un de très, très important. Qui est-elle? Alors, c'est une mécène, hein, new-yorkaise. Elle va voir toutes les expositions. Elle va surtout être, une fois qu'elle aura compris qu'il y avait du potentiel chez Pollock, elle va l'aider. Ouais. Elle va l'aider, elle va lui donner d'abord une petite pension, modeste hein, quand même, et donc un montant tous les mois, pour pas qu'il soit obligé de travailler. Parce qu'avant ça, on a parlé de son travail, mais il a aussi travaillé avec des grands fresquistes, comme Siqueiros, vous savez, ces Mexicains qui faisaient des fresques. Et ça, ça va déclencher aussi, puisqu'il travaillait sur des très grands formats, ça va être important dans sa réflexion et dans sa formation. Donc là, tout d'un coup, elle l'aide à vivre et il va pouvoir se consacrer à ses expériences. On parle de peinture, mais on parle d'expérience aussi. Et par la suite, c'est aussi elle qui va lui donner l'argent pour qu'il achète sa première maison à Long Island, loin du fameux Greenwich Village. Pour le protéger. Pour le protéger, parce qu'on a parlé tout à l'heure du Greenwich Village, les artistes, bon, mais on parle aussi souvent de l'alcoolisme de Pollock. Pas oublier qu'à l'époque, c'était la norme, si j'ose dire. C'était la façon de survivre. Et que l'alcool était un problème récurrent. Donc, l'idée de sortir et d'aller à Long Island, à la campagne, dans une ferme, et c'est Peggy Guggenheim qui va l'aider à faire ça. Et elle l'exposera, évidemment, aussi, cet extrait qu'on entendait. En fait, Mondrian, qui raconte, qui convainc Peggy Guggenheim d'apprécier le travail de Pollock, en fait, il fait partie d'un petit jury qu'elle a composé, Peggy Guggenheim, parce que elle choisit à cette occasion-là un tableau de Pollock qui sera exposé dans la galerie de Peggy Guggenheim. C'est la première fois, c'est une exposition importante. Pollock va être important pour elle aussi parce que c'est la première fois qu'elle expose des peintres américains, dont Jackson Pollock. Absolument. Donc, c'est important pour elle. Et je pense qu'elle a quand même compris quelque chose. Elle a l'air un peu naïve quand elle parle à Mondrian, mais par la suite, elle a quand même toujours encouragé la peinture américaine, les jeunes américains, en disant, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment américain qui sorte de tout ça. Elle construit en quelque sorte une écurie, là. Oui, c'est vraiment le cas. Ouais. Et au fond, elle met pas ses œufs tous les œufs dans le même panier. On a l'impression, elle donne un petit peu à l'un, un petit peu à l'autre, puis elle les regarde évoluer. Et je pense qu'elle a compris. Elle a compris qu'il se passait quelque chose. La preuve, c'est qu'elle va lui commander une œuvre pour sa propre maison. Donc ça, c'est quand même hallucinant hein, à l'époque. Qui va lui donner beaucoup de mal, cette œuvre gigantesque pour sa maison de la 61e rue. Mais j'ai l'impression que toutes les œuvres lui donnaient du mal. Rien ne venait simplement. Mais c'est déjà fabuleux qu'elle ait commandé une énorme œuvre ouais. pour l'intérieur de sa maison. Et puis aussi pour qu'on puisse voir, pour que les autres puissent le voir. C'est ça l'idée. C'est bien beau de faire quelque chose de génial. Encore faut-il qu'on soit reconnu, qu'on soit vu par les autres. Et après, on en parle. Mais il va être bloqué, Véronique, alors, devant lui, son immense toile. Alors voilà, il paraît que d'abord, l'œuvre commandée mesurait 6 mètres, donc il n'y avait pas la place dans son atelier. Il défonce un mur, et là, il s'installe pour travailler, et là, il n'y a rien qui vient. Et puis, il y a déjà sa femme qui est là, qui essaie de l'encourager, mais vas-y, ah non, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui vient, il est angoissé, mais c'est un peu l'histoire de sa vie. Ouais. Et au final, à la dernière minute, en une seule séance... Il fait cette énorme fresque qui va être géniale, qui est magnifique d'ailleurs. On va parler du style Pollock plus précisément en écoutant d'abord un extrait. Son travail et son art, en fait, va plutôt beaucoup se définir par sa manière de travailler. On écoute le critique et historien de l'art François-Marc Gagnon, qu'on entendait d'ailleurs au tout début de l'émission, qui parle justement de cette manière de travailler, de ce que ça changera dans la peinture de Pollock, mais dans la peinture au 20e siècle. Extrait de l'émission Reflet en 1983. Il avait, comme vous savez peut-être, une méthode assez particulière de peindre puisqu'il étendait sa toile sur le plancher et il versait sa couleur. Mais ça lui permettait d'obtenir une ligne qui ne soit plus un contour, une ligne qui n'avait plus ni dedans ni dehors, ni forme signifiante détachée du fond, mais simplement une ligne pure trace d'énergie qui envahissait en somme toute la surface. Jackson Pollock vous a-t-il convaincu? Certains penseront que c'est de la peinture facile à faire, que même des enfants pourraient faire une peinture comme ça. Je ne pense pas, je ne suis pas de leur avis. Je pense qu'au contraire, vous avez vu d'ailleurs dans le film la concentration, l'intérêt, la puissance que met Pollock dans son travail. Ce n'est pas enfantin. Il est un peintre, au fond, très important à l'époque actuelle parce qu'il a complètement transformé cette notion de ligne contour, enfin, qu'on avait, au fond, dans la peinture depuis les débuts, depuis Lascaux, depuis la préhistoire. À ça, il a changé ça, il a bouleversé ça. Il en a fait, au contraire, de la ligne une trace d'énergie. Trace d'énergie, importance de la ligne. Comment définir cette peinture, le travail de Jackson Pollock, Véronique Bourbon? Mais d'abord, dès 1947, il avait décidé d'abandonner la méthode traditionnelle. Vous savez, le chevalet, le pinceau, les petits tubes, comme ça, il a cherché autre chose. D'abord, il a commencé par mettre sa toile par terre. On l'a vu, mais l'idée de mettre la toile par terre, c'est parce qu'il y avait des grands formats. Et c'est parce qu'il pouvait s'attaquer à la peinture et même se tenir debout dans sa peinture. Donc il y a une volonté de fusion, de communion très puissante et du geste va participer de tout ça. Donc il veut éliminer la trace volontaire. Et alors on a l'impression, il se laisse aller, il fait un peu n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Quand on le voit peindre, il va utiliser donc des grands pots de peinture. Souvent, il va y faire des trous ou il va prendre des pinceaux, mais qu'il va pas poser sur la toile. Il va mettre la couleur dedans et il va laisser tomber les gouttes petit à petit. C'est ce qu'on appelle le fameux dripping. Ouais. Mais il va aussi prendre le pot de peinture et puis en mettre partout. Et quand on le voit faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est extrêmement bien pensé. Ouais. C'est très raffiné, c'est pas brutal. Il y a une sorte de force très puissante qui fait qu'on croit que ça pourrait être brutal, sympathique. Et ça donne quoi? S'il y a des auditeurs qui n'ont jamais vu de Pollock? Alors, c'est abstrait en général. Toute la toile est recouverte également. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau. Il n'y a plus un centre, etc. La toile est recouverte également. On voit... beaucoup de mouvements, beaucoup de courbes, des couleurs aussi, mais il y a différentes couleurs. Et puis, ces espèces de... Au fond, au lieu de faire un trait avec un pinceau, il les fait avec ses coulures, ces fameux dripping. Donc, c'est très, très puissant. Il accumule un petit peu les couches et tout d'un coup, il décide que c'est bon, c'est terminé. Et si jamais il a le malheur d'aller plus loin, il jette sa toile. Donc, c'est assez étonnant et c'est émouvant. C'est pas vrai que c'est juste abstrait. On rentre dans ces toiles et on sent beaucoup de force et beaucoup de sensibilité et de finesse. Intensité, parce que pour lui dire, oui, c'est dense, mais c'est fin. C'est, et même son geste est fin. Ouais. C'est pas une grosse brute qui jette la peinture sur, sur la toile. C'est très fin, c'est comme un chorégraphe. On dirait un danseur de ballet. Ben justement, puisque vous parlez de cette gestuelle du chorégraphe, du danseur de ballet, on revient à cette manière qu'il a de travailler, mettre la toile au sol. Évidemment, quand on passe, il y a eu un film plus connu, au moins un film de fait sur Pollock, documentaire aussi. Plein de choses ont été écrites sur lui. Et souvent, quand on pense à Pollock, on voit l'homme en action, le fameux action painting. François-Marc Gagnon en parle dans une entrevue qu'il donne en 1986, cette fois à l'émission D'un expressionnisme à l'autre. Puis vous allez voir, il nous parle, puis on y reviendra tout de suite après, Véronique Borboin, du travail que fera Hans Namut, qui prendra des photographies, qui fera un film aussi de Pollock en train de peindre. Cette idée que les expressionnistes abstraits seront au fond des espèces de forcenés, en fait, qui jettent la peinture comme ça constamment, je me demande si c'est pas lié aussi à cette extraordinaire, pourtant, série de photos qui ont été prises par Hans Namut. Enfin, il préparait des illustrations pour la revue Hot Digest. Et là, évidemment, quand un photographe prend un peintre comme Pollock au travail, il est plutôt intéressé à la danse, j'allais dire, autour de la toile. Vous saviez que la toile était posée sur le sol, et que Pollock a fait verser sa peinture comme ça au-dessus sur la toile. Alors, ces moments-là ont été photographiés. Mais quand Pollock s'assoit près de la toile pendant une heure ou une demi-heure à regarder comment les tâches sont distribuées, est-ce qu'il a réussi à faire cette espèce de pattern all over là, qu'il cherche toujours, c'est-à-dire une composition dans laquelle il n'y aurait pas de centre, où il n'y aurait pas de point fort, où tout serait distribué à peu près également, sans que l'œil soit attiré plutôt dans un coin que dans un autre. Ça, ça prend un contrôle, ça prend une espèce de réflexion sur ce qui a été fait et de décider certaines interventions dans un autre temps. Alors ça, évidemment, Namut photographiait pas ces passages-là qui sont et qui étaient statiques, et peut-être que ça nous a donné cette idée un peu facile, finalement. D'ailleurs, Pollock disait lui-même « Je veux voir les jeunes qui vont essayer de tout splash Pollock, hein, voulant dire que je voudrais bien les voir essayer de faire exactement ce que je fais. » Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, le travail de Namut, parce que c'est intéressant. Oui. Est-ce que ça a, à ce point, façonné la manière de l'image qu'on se fait de Pollock, ce qu'il a fait? Oui, beaucoup, parce que Namut a filmé, au fond, Jackson Pollock en action. Donc, il a ses toiles, il a ses peaux, il est à l'extérieur, on le voit faire. On voit très bien qu'il est très, très agacé par ça. Parce qu'au fond, c'est un travail intime. Parce que lui, ce qu'il cherchait à rendre, c'était l'énergie vivante, comme il disait. C'est pour ça qu'on a pas, on parle d'expression. Et là, il y a quelqu'un qui le filme, qui lui dit arrêtez, faites ci, recommencez. D'ailleurs, on sait qu'une des toiles qu'il a faites à ce moment-là, il l'a jetée. Il s'est dit, c'est nul, tu vois, c'est sous la contrainte. Donc, il s'est bataillé avec son réalisateur, ça marchait pas pour lui, il trouvait ça artificiel, il disait on est en train de faire une image de moi qui est fausse. Mm-hmm. Et il avait horreur de tout ce qui était charlatanisme, tout ce qui était faux. C'est un homme profondément sincère. Ouais. Et puis ben évidemment, vous le disiez, mais pour lui et puis on revient au tout début à cet extrait qu'on entendait qui décrivait l'action painting. C'est un critique d'ailleurs en art qui a pensé à cette expression d'action painting, mais l'important pour ceux qui pratiquent cet art, c'est le moment où se fait la toile. Oui, mais en même temps, il faut juste pas oublier qu'il avait une formation très sûre et que c'était un coloriste et un dessinateur formidable. Oui. Et on le sent quand on voit son travail et quand on voit sa peinture, son travail de couleur est fabuleux. On a l'impression qu'il y va avec juste ses sentiments, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Il y a beaucoup de métiers derrière. Mm-hmm. Et c'est fascinant parce que dans cette émission, François-Marc Gagnon parlait à l'instant racontait que Pollock était très cynique, au fond, s'amusait de ceux qui disaient « I'll splash a Pollock ». Eh bien, essayez-vous donc, messieurs, dames. On faisait référence un peu plus tôt aussi dans un autre extrait à cette impression qu'on peut avoir que c'est de la peinture facile, qu'un enfant pourrait faire ça, c'est bien mal connaître le travail de Pollock. Et lui connaissait son travail, connaissait sa valeur. C'est ça, c'est quand même assez important, d'où sa rage aussi. Il connaissait l'importance de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait mis au point, et il savait la concentration que ça demandait, le métier que ça demandait. Il le savait. D'ailleurs, il y aura des expériences qui vont être faites pas très longtemps après, où on va demander à des adultes qui disaient « mais moi, je peux faire la même chose ouais. ». Alors, on leur donnait la même toile. Essayez-vous. Ouais. L'expérience a été faite. On leur donne les mêmes toiles, les mêmes pinceaux, la même peinture. Et on demande aux spécialistes de chercher parmi toutes les toiles lesquelles sont de Pollock. On les trouve tout de suite, vous aussi. À partir de quel moment, Véronique Borboin, ça marche? Il devient, au fond, il est reconnu, il devient le géant qu'il est. Ça se passe tout de suite ou pas? Non. Donc, ça va prendre du temps. Et au début, ses toiles ne valent pas grand-chose. Il y a plus un succès d'estime. Mais il va persévérer. Et puis, il y aura aussi un article dans le Life magazine qui va être important, où on va mettre en titre « Est-il le plus grand peintre américain ?» Donc, comme il n'y en avait pas eu d'autres vraiment importants. Alors, et ça a pesé énormément. Ça, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, lui qui a connu la galère, qui a vécu dans cette ferme de Long Island sans chauffage, vraiment d'une façon assez compliquée. Et alors, tout d'un coup, là, le succès, il pèse autrement. Il vit mal avec ça, mais on le comprend très bien. Et il travaille énormément, il fait énormément de tableaux. Et puis après, il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi ? J'ai tout donné. Ouais. Et il a effectivement travaillé de façon tellement intense qu'il a beaucoup donné. Il dit, ils en veulent encore plus. Parce qu'il voit le regard des autres sur ce qu'il fait. Et le regard, c'est, on veut un autre Pollock encore plus, encore plus. Et ça, c'est terrifiant. Il le supporte pas. Et puis, il aura cette mort tragique à 44 ans, qui est assez éloquente aussi. Ça nous en dit pas mal, je pense, Véronique Borboin, sur ce mal-être qui l'habite. Parlez-nous des circonstances, les auditeurs vont comprendre, mais c'est plus qu'anecdotique, là. Oui, absolument. C'est le 11 août 1956. Il y a une grande exposition qui est enfin organisée avec 25 de ses très, très grandes œuvres. Alors, c'est bien, c'est le succès assuré. Mais lui, de toute façon, ça a toujours été un homme vulnérable, un homme un peu autodestructeur, dépressif et alcoolique. Il est alcoolique depuis l'âge de 15 ans. Il a longtemps lutté. C'est pas quelqu'un qui disait « je m'en fous ». Il a été en clinique, il a essayé de se soigner. Sa femme, qui est une peintre extraordinaire, a tout fait pour essayer de l'éloigner de l'alcool. Mais là, il a bu, il est ivre. Ce soir-là, il rentre dans un arbre avec sa voiture et il est tué sur le coup. Il avait 44 ans. Juste avant que cette expo commence. Juste avant l'exposition. La fuite en avant. Voilà. Ouais. Et il avait quand même laissé énormément d'œuvres, heureusement, pour nous. Un mot en terminant sur son héritage. De quelle manière il sera important pour ceux qui suivront? Eh bien, d'abord, il a laissé 700 œuvres, donc c'est pas rien pour quelqu'un qui est mort assez jeune. C'est vrai que c'était probablement le plus grand peintre américain vivant à son époque. Et puis, il a tracé la voie. Il y avait d'autres peintres vraiment importants, de Kooning et Rothko, d'autres peintres. Mais lui, il est le premier américain. Et il a d'ailleurs dit qu'il avait été influencé par les Amérindiens, la peinture des Amérindiens de l'Ouest. C'est pas rien, ça. Donc, il a assumé complètement tout ce qu'il pouvait, le plus possible. Il a assumé son rôle de plus grand peintre américain vivant de l'époque. Et il a ouvert la voie à une liberté que les autres ne se donnaient pas, en fait. Il l'a prise. Véronique Borboin, c'était passionnant, professeure à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Merci beaucoup, Véronique. Bienvenue. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.